L'aube se lève sur la montagne et nous revenons au fournil. Antonin, ceint d'une cartouchière, un carnier accroché à l'épaule, est assis sur un sac de farine, son fusil entre les jambes. Le boulanger est nu jusqu'à la ceinture. Quelle heure il est ? Il est 4 heures, juste. Alors tu comprends, pendant que ma première fournée se cuit, je dors encore 1 heure dans le pétrin, là, puis à 6h30 quand ma femme descend. Alors elle me réveille. Alors je défonce ma première fournée et je renfonce dans la deuxième pour 10 heures du matin. De quel côté tu vas à la chasse? Bon, dans les prés, le long des marais, là, tu sais, je sais deux lièvres et ça m'étonnerait beaucoup si j'en rapportais pas un. Hein. Le boulanger ouvre la porte du four. Tiens, avant d'aller, ta fougasse, ça va pour le sang? Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça. À peine doré, tu comprends? Alors je l'enlève? Oui, oui. Il prend la grande pelle et défourne la fougasse. Combien je te dois, dis boulanger? Oh. C'est la première fois que je t'en fais une. Tu me dois un petit merci, c'est tout. Ah, ça c'est gentil, alors. Hein. Ben écoute, à midi, je te payerai l'apéritif au cercle. Ah non. Ah, moi, je bois jamais d'apéritif. Je bois même jamais de vin à table. Ça me tape sur la tête. Ah, alors, bon. Alors, je te rapporterai de rive. Oh. Toi, tu me donnes de ta boulage. Moi, je te donnerai de ma chasse. Allez, adieu, boulanger. Je file vite que le jour va pointer. Oh. Il sort. Le boulanger l'accompagne jusqu'au seuil. Il lève la tête et regarde le ciel de l'aube. Oh, mais je crois que tu auras du beau temps. Dis-moi quelque chose, là, ça me portera bonheur. Eh bien, merde. Eh bien, merci. Allez, adieu. Adieu. Antonin s'en va. Le boulanger bâille. Puis il va jeter un coup d'œil sur sa fournée. Enfin, il s'étend dans un vieux pétrin garni d'un oreiller et s'endort.